Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. 18h. Il est temps pour vous de retrouver toute l'équipe de Destination Série. Précédemment, dans Destination Série. Terranasa numéro 1. Roger, contact BDSD. Ok, contact soupape comme moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce du piquet. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3, ramenez point 0. La terre ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Mais on a un peu oublié que dans un double épisode de L'Homme qui valait 3 milliards, Lee Majors interprète deux chansons. Une country qui s'appelle Gotta Get Loose et une autre chanson, une ballade qui s'appelle Sweet Jamie et qui, dans cette chanson, fait une déclaration d'amour en chanson à Jamie Summers. Écoutez, c'est dans Secrètement Vôtre et c'est culte. It's been fun, lots of laughs, Jamie. It always is when friends meet again. But lately it's gone flat for me, Jamie. I don't like seeing you now and then. Our friendship is finished, that's true. But there's hope, a way to make it through. Because, sweet Jamie, I love you. I never want to say goodbye to you. Sweet Jamie, I'll love you forever. Et que petit thème de Super Jimmy derrière. C'est magique, j'ai entendu, je suis tombé amoureux de cette chanson. Voilà, ça termine de manière poétique cette rubrique. Là aussi, tu as pioché ça où? Parce que le son, il est magnifique, là. Il a dû le recréer aussi. Tu veux que je te donne tous mes secrets, mais... Non mais franchement... Faudra faire un Secrètement Vôtre sur les secrets de Secrètement Vôtre. Très fort qu'on le fasse un jour, oui, exact. Pas si mal pour un amateur. Environ 25. Oh, c'est tout? Finalement, tu es aussi rapide que moi. Ce ne serait peut-être pas si mal d'être la femme de Frankenstein. Est-ce que tu penses te marier? Non, en fait, je pensais comme c'était bien d'être bio-ionique. Oh, je vois. Ce ne serait pas une si mauvaise idée de se marier. Oui, mais Jimmy, il faut qu'on te le demande. Oui, c'est vrai. Alors veux-tu? Veux-tu quoi? M'épouser. Je croyais que tu ne me le demanderais jamais. Thank you. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 846e numéro, le 12e épisode de la 24e saison. Et à mes côtés, comme vendredi dernier, j'ai Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors je voudrais revenir quelques instants sur ce pré-générique. J'avais fait un premier montage avec les meilleurs moments, mais à chaque fois je repensais au travail que tu avais réalisé pour parce que je le redis et on l'a dit précédemment dans le précédent numéro de Destination Série, c'est que la qualité sonore de ce que tu nous as proposé la semaine dernière était vraiment magnifique, et je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai mis au panier le pré-montage que j'avais fait le dimanche matin et j'ai retravaillé, et je me suis dit je vais mettre en avant son travail, et je l'ai réécouté ce pré-générique au moins 4-5 fois. Oui, mais moi aussi j'ai réécouté. Et même là, j'ai toujours ce même plaisir, et une nouvelle fois, je voudrais te remercier de ce travail. Alors, je ne sais pas aujourd'hui sur quel chemin on va partir, surtout que là, j'ai le texte d'ouverture, et moi, je suis dans le Schwartz complet. Alors, je ne sais pas si Benoît, lui, va connaître les tenants et les aboutissants de la série mise en avant aujourd'hui. Certainement, peut-être, puisqu'il est un peu plus spécialiste que moi, mais en tout cas, moi, j'ai rien compris. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. Et bonjour Benoît aussi. Et donc, Destination Série, bah, c'est comme chaque vendredi, hein, on aura le 7 Actu, on aura bien sûr le Secrètement Vôtre, le Manon Série Quiz, et pour le moment, nous allons commencer cette émission avec le rétroviseur. Alors, le rétroviseur de cette semaine... Je pense que vous allez être vraiment, mais alors, en total désaccord avec le numéro 1. Je pense que Benoît et Sylvain vont être vent debout quand ils vont découvrir quelle série est numéro 1 cette semaine. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui fais les audiences. Ben non. Je prends note et je vous offre donc le rétroviseur, le top 5 des séries qui ont cartonné cette semaine. Vous avez un mot à rajouter ? On tente d'influencer. Oui, mais ça change pas. Mais ça change pas grand-chose. Hein, et non. Et là, cette semaine, encore pire. Encore pire que les autres semaines. Je crains le pire. Vous allez... Je crois qu'on peut déjà faire une croix sur Astrid et Raphaël. C'est un peu mon regret de la semaine. Donc déjà, là, c'est mort. Bon, après, allons-y. Allons-y, voici le verdict. Le jeu de massacre. Le rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0, c'est donc les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Je vous les donne dans le désordre. Meurtre à Orléans, Le Voyageur, Tom et Lola, Astrid et Raphaël, qui est... les enquêtes de Vera. Il n'y en a que 4. Oui, parce qu'en fait, ça se joue tellement dans un mouchoir de poche qu'à un moment donné, j'ai refait un classement. Donc je le redis, Astrid et Raphaël, Tom et Lola, Le Voyageur, Meurtre à Orléans et les enquêtes de Vera. Donc la première question qui restera dans les livres d'histoire de Destination Série, qui est cinquième cette semaine. Je sais plus avec ce que tu as dit. On va quand même pas. Les Vera, les enquêtes. Oui, moi j'aurais dit les enquêtes de Vera, mais tu ne peux pas me dire que c'est... Ça se trouve, c'est Astrid et Raphaël. Parce que, c'est comme il dit que c'est dans les annales. Il y a peut-être ça, alors je ne sais pas. Les enquêtes de Vera sont cinquième. À 2 712 000 téléspectateurs, presque 15% de part de marché. Qui est quatrième. Après... Donc ça se joue entre Le Voyageur, Tom et Lola, avait bien marché, hein, la Meurtre dernière. À Orléans. Le Voyageur, oui, elle est très bien. Bah, d'ailleurs, oui. Premier, hein. Premier Voyageur la semaine dernière. Oui. Je crains le pire encore cette semaine. Ouais, donc je sais pas si... Tom et Lola, allez, je dirais Tom et Lola. Tom et Lola en quatrième. Ah non, ça se trouve c'est Astrid et Raphaël, puisque il nous annonce un truc catastrophique, donc... Allez, moi je tenterai Astrid et Raphaël. Regarde ce Tom et Lola. En quatrième position cette semaine, c'est Meurtre à Orléans. Ah. 2 880 000 téléspectateurs, 15,9% de part de marché. Bon, bah alors c'est pas si terrible que ça, du coup. Ils sont à troisième, donc. Voilà. Donc il nous reste Le Voyageur, Astrid et Raphaël, ouais, donc, et Tom et Lola. Bah c'est pas le oui, c'est Bah c'est Astrid alors. Astrid du coup. Bah oui. Ah oui. Sinon, il n'y a pas de surprise, sinon c'est comme la semaine dernière. Ou alors, c'est un faux teasing pour nous mettre dans l'erreur. Ouais. Allez, ou alors, ça se trouve, c'est Astrid et Raphaël qui est devant. Je vais défendre Astrid, je ne la mettrai pas troisième, donc je vais dire Tom et Lola. Ouais. Bon, allez. Benoît ? Ouais, ça se trouve, si ça se trouve, Il fait de la psychologie inversée. Tom et Lola. Ouais, Tom et Lola, allons-y. Tom et Lola sont troisième. Regarde, ouais, 3 607 000 spectateurs et 18,8% de part de marché. Qui est deuxième? Donc le voyageur est deuxième. Le voyageur est deuxième. Je le savais. 4 047 000 téléspectateurs et en pole position, nous avons enfin Astrid et Raphaël à 4 062 000. Merci. J'espère que vous êtes resté jusqu'au bout. C'était temps, c'est le dernier. De dégoût, vous n'avez pas changé de poste en se disant oh, c'est pas possible, encore une erreur, pas d'Astrid et Raphaël. Non, ça fait plaisir, moi, depuis le temps que je défends Astrid et Raphaël. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Donc, le palmarès de cette semaine, en cinquième, Les Enquêtes de Vera, en quatrième, Meurtre à Orléans, en troisième, Tom et Lola, en deuxième, Le Voyageur, et en pole position, Astrid et Raphaël. Sans le replay, en plus. Quel talent. Et en tout cas, notons quand même que Les Enquêtes de Vera, on n'en parle pas souvent, hein, mais ils sont toujours quasiment tout le temps dans les 5 premiers, quand même. Hein. C'est une valeur sûre, ces Enquêtes de Vera. Est-ce qu'elles seraient pas toutes seules sur la case le jour-là? Peut-être. C'est le dimanche soir. Elle est face au film de TF1 de France 2. C'est très inégal, les films, en ce moment. Ça a baissé en qualité. Mais elle fait quand même en audience. C'est quand même dans les 5 séries les plus regardées de la semaine. Et c'est quand même, voilà. Parce que, quand même, cette semaine, vous en parlez pas, mais en 6e position, on a qui en 6e position? Faut que je le retrouve. La Disparue de Compostelle. Ah oui, non, mais là, non, on te va trop loin. 2 690 000. On a qui en 7e position? On n'a même pas la série. RIP. RIP, oui, on a RIP. RIP est 7e. Wow, 2 505 000. Dont Laurent. Dont oui, Laurent. Oui, je suis dans. J'ai souffert. Je suis dans cette audience-là. Bah, RIP alors. RIP et... à toi. En 8e position, on a qui? Parce qu'il faut le daron, Will Trent. Le daron, il est. Alors, en 8e position, on a Will Trent à 2 281 000. Alors que c'était quand même dans les 5 premiers l'année dernière. Hein. En 9e position, on a le daron, 2 238 000. Ah, c'était la fin hier. Enfin, la fin. Moi, ça fait depuis au moins 15 jours. Que j'annonce que le daron, la saison 3, elle est pliée. Ah oui, je pense. Mais pourtant, enfin, je sais pas, il y avait comme un espèce de... J'ai cru voir comme un petit teasing à la fin. Ah. Mais je ne sais pas. Hein. Ça faisait pas fin. Entre deux micro-siestes, peut-être. tu as peut-être, rêvé, cauchemardé. Oui, peut-être, je sais pas. Parce qu'à 2 238 000 téléspectateurs, peine 12%. Non, mais il n'y a aucune chance. De toute façon, ça ne gêne pas TF1 d'arrêter des séries quand il y a des teasings. Hein. Je vous rappelle que Tout pour la lumière se termine dans un bain de sang. Hein. Oui, et on avait une série qui était pas mal. D'ailleurs, il est lundi sur TF1 avec Panique dans un hypermarché, je sais pas quoi. Ah, là. Oui. Il y avait une série policière qui était pas mal, qui faisait plus. Hein. On était à 3 400 000, 3 500 000. TF1 l'a arrêté quand même. Hein. Donc le daron, s'il reste, faudra qu'on m'explique. Dans quelques instants, nous allons savourer un nouveau numéro de Secrètement Vôtre. Mais pour le moment, voici une nouvelle pépite, voici un cadeau. Je peux avoir une pépite la semaine prochaine? Mais tu peux en avoir... Parce que Davy m'a fait un plaisir ce matin. Oui. Si vous écoutiez Davy ce matin dans la matinale, il a passé Kylie Minogue, qui a ressorti un disque de Noël, un nouvel album. Il est dedans. Et ça s'appelle Hot in December. Donc, si on pouvait l'avoir la semaine prochaine, je me permets une petite demande. Avec plaisir. Ça s'appelle Hot? Hot in December. H-O-T. Il fait chaud en décembre. Alors j'ai un hold. Non, mais il est peut-être pas. C'est un truc. Hein, c'est peut-être lui qui l'a amené. Hein, il était peut-être pas dans la Kylie Minogue. Enfin bref, en tout cas, ne boudons pas notre plaisir pour écouter. Tom Anders. Hot in December. C'est-à-dire que l'ordinateur, quand tu lui dis Kylie, il te donne. Sa carrière. Donc pour là il y en a un petit paquet. Je pense que ça pourrait te plaire et c'est une belle chanson de Noël. On mettra Johnny Hallyday la semaine prochaine et on mettra Kylie. Pour une fois que tu me proposes un titre, je saute dessus. Hein. Attention. Il faut que je reste cohérent quand même. Alors est-ce que j'ai une petite croix là? Voilà. Alors Johnny, on te retrouvera la semaine prochaine. Mais là, pour le moment, voici Tom Anders avec Give Me Peace on Earth. Et là, j'aurais pu vous mettre la version maxi. Mais non. Qui est magnifique. Qui est avec, magnifique. Avec plein de clochettes. Non. Pas de clochettes, c'est non. Ah, c'est la version. C'est les 45 tours, les tubes Modern Talking version longue, revue par Christian Geller. Ah oui, donc. En fait, parce qu'à l'original, il y avait des clochettes. Oui. Mais là. Le gars qui s'y connaît quand même. Bah, les clochettes. Quand même. Les clochettes. En fait, Christian Geller, il a laissé les clochettes avec le gospel qu'on va entendre maintenant. Ah, d'accord. Et il a fait une version maxi. Mm. Et c'est là que tu vois qu'on est plus proche de Michael Cretu que de Dieter Bohlen avec la version longue de d'accord. Magic. Donc okay. Là, par contre, Christian Geller a laissé les clochettes. Mais en plus de ça, nous avons le gospel qui est du côté des chœurs et ça donne un effet magique. On se retrouve dans 4 petites minutes pour un nouveau numéro de Secrètement Vôtre. Give me peace on earth. Give me Il a fait une prestation avec le gospel à la télévision allemande. C'était magnifique. Vous pouvez retrouver ça sur, sur pas mal de plateformes. C'est disponible et c'est à voir. Et rappelons que l'album se vend bien en Allemagne. Hein. C'est vrai qu'il est dans les meilleures ventes. Hein. Ça, c'est un véritable carton. Tu nous l'as assez vendu. Vendu et annoncé sur les réseaux. Ce qui est quand même bien, c'est que voilà, je redécouvre des titres de Thomas que je ne connaissais pas du tout même. Donc c'est un vrai plaisir en fait, de faire ce pèlerinage avec toi. Bah, c'était à l'époque où effectivement, il y avait Kylie Minogue un peu à l'époque en Angleterre qui faisait des disques de Noël aussi régulièrement. Et en Allemagne, c'était eux. Mmh. Il y avait aussi à cette époque-là, dans les années 90, cet engouement pour faire chaque groupe un peu à la mode enregistrait des chansons de Noël et certains des inédits comme eux, entre autres. Mais quand même, celle qui a le plus marqué. Je ne vois pas de qui tu parles. Et qui reste ancré, mais on a l'impression. D'ailleurs, j'adore la communication qui est faite autour d'elle. Ils en rient, en fait. Oui, c'est tourné en ridicule. Ils l'ont montré congelé à un moment donné. Et d'ailleurs, on va la ressortir, on va la décongeler. Et ça fait X années qu'elle nous. Voilà, on parle de Mariah Carey. Évidemment. ça fait des années qu'elle nous ressort sa chanson, mais à chaque fois, c'est un carton. Ouais. Maf, bon. Oui, il n'y a pas de nouveauté. Hein. Voilà, ça fatigue un peu. C'est vrai qu'elle était bien à l'origine, mais bon, elle pourrait aussi tenter d'en faire d'autres. Mais bon, après, elle sait très bien que ça ne marchera pas autant que celle-là. Donc, Après, est-ce qu'elle sait encore chanter? Ah. C'est une question qu'on peut se poser. Bah, est-ce qu'elle a encore la voix? Bah, ouais, parce que ça fait quand même un certain temps qu'elle n'a rien sorti. Ouais. On va laisser Mariah Carey de côté. Hein. On fera un spécial. Surtout qu'on n'est pas là pour faire des petits blancs. On fera Nous sommes là pour vous proposer du son. Et là, c'est du bon son qui arrive. Alors, je tiens à dire que moi, oui, d'accord. Alors, ça ne me dit rien. Je vais alors, Benoît, voilà, Benoît, écoute bien. J'essaie de trouver, dis-moi, j'ai la pression. Dis-moi si je suis une buse ou pas. Avant d'entrer dans la forêt, vérifiez que votre café est bien chaud et que personne ne vous observe derrière les rideaux rouges. Car Sylvain, notre agent spécial, chroniqueur du secret, est de retour. Dans un instant, il va nous guider, là où il faut être attentif à ses rêves, où l'on entend parfois une étrange musique dans l'air, où il faut écouter les murmures d'une bûche en bois, et où les hiboux ne sont pas ce que l'on pense. Soyez enquêteur, souriez à l'oiseau moqueur et surtout gardez l'esprit ouvert. Moi je suis. Ça fait au moins 4 fois que je lis le truc. Oui, une petite idée, mais on va entendre le générique. On met le générique et puis après on en parle. Je vois le. Tu vois ? Ça te dit quelque chose ? Ouais, mais j'arrive pas à me donner le nom, mais il y a eu 2-3 saisons. C'est une petite saison très, très courte. Où c'est que... Oui, voilà, j'ai plus le nom, mais c'est un peu de la science-fiction. On va trouver ensemble. Oui. Et là, moi, je peux vous le dire ouvertement. si. Dans l'autre studio, la musique qui passe, elle est top. Il y en a pas beaucoup de en forêt comme ça. En forêt ? Oui. Non, moi, je me souviens de télésuites de Noël avec une bûche, un arbre qui parle. Mais je pense pas que c'est ça. Hein. Alors. Voilà, on lance le générique et puis après, on va découvrir tous ensemble où est-ce qu'on va atterrir. Et tu l'arrêtes quand tu auras deviné. Tu arrêtes le générique quand tu auras deviné. Donc, c'est-à-dire qu'on va écouter pendant 19 minutes la bande-son, à moins que j'ai une lumière. Je pense que ça va s'arranger, oui. Ah ouais, je vais avoir un flash. Ouais. J'espère qu'il ne sera pas trop violent, parce que j'en ai eu un coup, laisse tomber. Oui, une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut ! Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui ? Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement Vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Je vais avoir besoin de réponses précises. Vous reconnaissez cette chaîne ? Oui, monsieur. James, que s'est-il passé ce 5 février? Et qui a l'autre partie de ce cœur? Je ne sais pas. Il y a de fortes chances pour que l'auteur de ces crimes se trouve dans cette ville. C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez. Ma bûche a vu quelque chose ce soir-là. À mon avis, les gâteaux viennent ici pour mourir. Qui a tué Laura Palmer? Cette musique effectivement symbolique de cette série, j'ai fait sourire tout le monde dans le studio parce que Twin Peaks, oui, effectivement, on reconnaît cette musique et Laurent n'a pas regardé, donc il a une excuse de ne pas connaître, effectivement, même si c'est culte. Twin Peaks, 1990 à 2017, ça a duré quand même 27 ans cette histoire. Il y a eu 3 saisons et un film. Et l'histoire, ça se passe effectivement dans une ville de Twin Peaks et c'est une enquête en fait qui est menée dans cette petite ville isolée suite à la découverte du corps d'une jeune lycéenne et qui révèle peu à peu les secrets sombres de ses habitants. Alors sous ces airs de soap opéra classique, la série glisse rapidement vers l'étrange, mêlant du surnaturel, des rêves énigmatiques et des visions inquiétantes. Et chaque personnage semble cacher une vérité et chaque indice ouvre davantage de mystères qu'il n'en résout. Attention, on devient vite addict à cette série et on va entrer effectivement dans ce monde de David Lynch ensemble, dans ce monde mental, parce que là on parle vraiment d'une œuvre. Oui. Ah, tout à fait. Je n'ai jamais adhéré à la série, mais on a le droit. Moi aussi, j'accepte que l'on parle, et je peux comprendre d'événements télévisuels de l'époque. Que ça, c'est une œuvre, c'est-à-dire que c'est le fait mec... par un artiste. Il faut rappeler que David Lynch est peintre, musicien, oui, sculpteur, cinéaste, il fait tous les métiers d'art et on retrouve tout là-dedans en fait. Tout est élaboré en fonction de ses arts. Et il y avait tout un mystère autour de cette série-là aussi à l'époque. Hein. La première saison a été orchestrée, scénarisée presque autour on de... On va en parler un petit peu. Tout à fait, tu as raison. Tout d'abord, je voulais parler de la musique qu'on entend derrière moi. Qui alors, est elle est... j'ai jamais regardé la série, j'ai jamais aimé, mais la musique est mythique. Complètement. La musique et le panneau. Angelo Badalamenti, pas Balo. C'est Badalamenti le créateur. Et il est souvent associé à David Lynch pour avoir écrit beaucoup de ses musiques, de ses films. Et cette bande-son unique, mystérieuse, qui effectivement allie l'atmosphère étrange et onirique. On peut parler de la musique même comme un personnage dans cette série, car elle habille complètement les histoires. Angelo Badalamenti, lui, a créé la musique donc, de Laura Palmer qu'on entend avec David Lynch, qui lui chuchotait dans l'oreille pendant qu'il jouait sur le clavier. Et David Lynch décrivait simplement une scène dans les bois et ça n'a pris que 20 minutes au compositeur pour écrire ce thème mythique. C'était très complice, c'est pour ça aussi que c'était si facile pour eux de dialoguer et créer ce genre de musique. Donc le mec, il avait David Lynch à côté de lui, oui, qui lui parlait dans l'oreille. C'est de la méthode David Lynch, de toute façon ça lui ressemble et totalement. Donc il lui... Il lui décrit la scène. Il lui décrivait une scène et il a pondu ça. Ouais, alors les deux étaient... Mais c'est des vieux amis de tout temps, ils ont participé à beaucoup de musique ensemble. Parce que c'est énorme comme musique, hein. Elle ne vieillit pas. Hein. Non, elle est intemporelle, c'est incroyable. Même aujourd'hui, on l'entend comme on pourrait l'avoir dans une série d'aujourd'hui. C'est ça. D'accord avec ça. Alors, le pilote, à l'époque, il y a eu 3 versions du pilote. Alors, c'est une histoire un peu compliquée, le démarrage, parce que déjà, dans le pilote, il faut savoir qu'il y a une trentaine de personnages annoncés dans le premier épisode. Alors, c'est très osé pour l'époque. En fait, on voit tous ces personnages au moins une fois parler en coup de vent ou en silhouette. En fait, il les présente tous. Il a cette audace. Et à l'origine, justement, David Lynch et Mark Frost, les créateurs, ont tourné 3 versions différentes du final de la première saison. Alors, ils n'avaient pas écrit une seule fin à cette première saison parce qu'ils voulaient garder le mystère. Mais pire que ça, même le pilote avait eu une fin différente, il faut le savoir, parce qu'à la demande de la chaîne, ils avaient rajouté une scène supplémentaire pour boucler l'histoire. Parce qu'ils ne savaient pas si ça allait faire vraiment une série et ils voulaient terminer l'histoire avec un meurtrier qu'on voit. Alors, c'est très bizarre quand on le revoit aujourd'hui parce que c'est incohérent complètement par rapport à ce qu'on a vu après. Mais il y a vraiment un meurtrier dans le premier pilote d'origine. Et tu vois le meurtrier à la fin, puis c'est fini, et ils expliquent comme ça et c'est fini. En fait, non. Ça a été remanié et remis en vrai premier épisode pour en faire une vraie saison. La série devait s'appeler Northwest Passage à l'origine, et non pas Twin Peaks, et se dérouler dans le Dakota du Nord. Alors, le pilote a bien été tourné dans l'État de Washington, mais pour des raisons budgétaires, le reste a été tourné à Los Angeles, où la ville de Twin Peaks a été entièrement reconstituée en studio à Van Nuys, et les scènes extérieures ont été tournées dans le canyon de Malibu. Alors, il y a des lieux emblématiques hein, que les fans connaissent, qui sont des endroits réels dans l'État de Washington, comme North Bend, les chutes de Snoqualmie qu'on voit dans le générique, les énormes chutes d'eau, et également le café, le Double R Diner, qui s'appelle le Twilis Café aujourd'hui, et qui sont encore visités par les fans en pèlerinage. Régulièrement, les gens retournent sur les endroits du film et de la série pour se filmer encore. On trouve encore sur YouTube des gens qui vont en pèlerinage, c'est magique. Alors justement, ces fameux fans qui sont très actifs, dès la première diffusion, des lecteurs, des théoriciens, ont commencé à décrypter, analyser, débattre, j'en faisais partie. La série est devenue un terrain d'interprétation et cette audience a contribué largement à la pérennité et à l'aura de Twin Peaks, bien au-delà de ce que les créateurs avaient initialement anticipé. Alors, il faut aussi parler du grand méchant de cette série, qui est Bob. Alors, c'est pas du spoiler parce qu'on le voit très rapidement apparaître, mais en fait ce qui est plus amusant c'est comment il est arrivé dans l'histoire. En fait, le personnage, donc Bob, qui est maléfique, apparaît par accident. En fait, à la fin du tout premier épisode, la mère de Laura Palmer, celle qu'on retrouve morte, elle est effrayée par quelque chose et on peut apercevoir une personne dans le reflet de miroir derrière elle qui est Frank Silva. C'est son vrai nom, c'est l'acteur. Mais c'est un accident, en fait, c'est un accessoiriste qui ne devait pas être là. Et il a tellement été inspirant pour David Lynch qu'il l'a, en fait, inclus dans l'histoire. Et il est devenu le méchant parce qu'il avait une représentation physique à ce moment-là, impromptue, et il l'a intégré, et il est devenu acteur malgré lui. C'est quand même un truc incroyable d'intégrer un technicien comme acteur et faire le grand méchant de la série qu'on est en train de voir après. C'est assez hallucinant. Alors moi, jusqu'à présent, j'étais resté sur Jean-Luc Azoulay, qui un coup avait vu un mec en train de mettre en peinture des décors. Il s'est dit, tiens José, tu vas être José. Et alors là, même si David c'est Lynch... C'est peut-être un peu la même inspiration. Si David Lynch nous a fait du Jean-Luc Azoulay... Je sais pas qui a fait ça en premier, mais... Je pense que c'est plutôt Jean-Luc Azoulay qui a fait du David Lynch. Oui, je pense. Ouais. C'est très possible. Minima, hein. Alors, dans les acteurs, quand même, il faut citer certains acteurs. Et je tenais surtout à parler de David Duchovny, qui fait ici sa première apparition télévisuelle. Il joue le rôle de Dennis Bryson, un agent du FBI transsexuel et habillé en femme. Et David Duchovny, à l'époque, sortait avec Kimmy Robertson, qui joue le rôle de Lucy dans la série, l'assistante du shérif, pas la secrétaire. Et à l'époque, c'est cette actrice qui a aidé David Duchovny à apparaître dans la série, présenté pour qu'il fasse une apparition. Premier rôle de David Duchovny, Twin Peaks, respect. Il y a aussi Jennifer Lynch. Alors, elle n'a pas joué dedans, par contre, c'est la fille de David Lynch, donc Jennifer, et elle a écrit le journal de Laura Palmer, qui est parlé pendant toute la série, on en parle de ce fameux journal qui détient des secrets, eh bien elle a écrit un vrai bouquin qui est sorti et qui était numéro 1 du top des ventes du New York Times pendant quand même 6 semaines et qui s'est vendu à 500 000 exemplaires. Pour un bouquin tiré d'une série qu'on voit apparaître pendant 3 minutes, moi je dis bravo, la bonne idée. C'est là qu'on peut un peu mesurer l'audience et l'aura de la série. Complètement. C'est pour ça que je dis qu'il y a les fans et il y a les autres, parce qu'on ne se souvient plus des détails si on n'a pas été fan, et si on est fan, on se souvient de tout. Je peux te citer encore tous les personnages, 25 ans après, même 30 ans, tous les personnages, comment ils s'appelaient, quelle est l'intrigue, la relation avec un tel, je connais encore tout, parce que c'est tellement ancré chez moi, parce qu'on a tous enquêté à l'époque. Il y a également Jack Lynch, le fils de David Lynch, qui joue cette fois-ci dans la série. Il joue le rôle du petit-fils de Madame Tremond, un rôle un peu curieux et surprenant. Et je voulais aussi parler de Miguel Ferrer. Alors, y a 50 acteurs, hein, mais je ne vais pas tous les faire, mais je vais terminer avec Miguel Ferrer, parce que c'est un acteur que j'aime bien. Il jouait le rôle de l'agent Robert Rosenfield, le légiste, le médecin légiste. Et en fait, lui est le cousin de George Clooney. On le sait peut-être moins. Sa mère était Rosemary Clooney, qui était connue pour Noël Blanc, et il est malheureusement décédé en janvier 2017. Miguel Ferrer ne fera pas de suite à Twin Peaks. Ça sera fini avec cette saison 3 où il a quand même pu jouer. Bah, Miguel Ferrer, il était aussi dans NCIS Los Angeles. Oui, il était partout, il est iconique cet acteur. Mm. Alors, on parlait, tu étais très intrigué par les murmures d'une bûche. Eh bien, en fait, c'est un personnage qui s'appelle la Dame à la bûche. C'est une dame âgée qui a une bûche dans les bras, qu'elle considère comme un enfant, et qui lui parle. C'est du pur David Lynch. Si tu as vu la série, ça te parle obligatoirement, et je pense que Benoît acquiesce de la tête parce qu'il s'en souvient maintenant. Et le personnage donc, de la Dame à la bûche a été écrit pour l'actrice bien avant la série, et ça on le sait moins aussi, parce que c'était un autre projet de Lynch à l'origine. Et son journal qu'on voit, les petits carnets qu'on voit dans la série, correspond à des vraies notes qu'elle gardait pendant le tournage, et ce qui donne un côté très authentique. Et l'actrice Catherine Coulson, qui joue donc ce rôle, a pu garder sa bûche après le tournage, et elle l'a emmenée avec elle aussi aux conventions de fans. Alors, c'est complètement magique pour les fans de la série. Et une entreprise japonaise a même tenté de lui racheter cette bûche. Tellement ça va loin dans le fanservice et la passion. Mais elle a toujours refusé et elle l'a conservée jusqu'à sa mort en 2015. Et son emplacement actuel demeure toujours un mystère. On ne sait pas où est cette fameuse bûche. Dans le premier épisode, comme je disais, on voit rapidement le meurtrier. Et dans la saison 1, le tueur physique, j'ai envie de dire, de Laura Palmer est révélée. Je ne le dirai pas ici au cas où il y a encore des gens qui voudraient regarder après ma rubrique par envie. Donc je ne dirai pas ça, qui. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Et le fait que le meurtrier soit révélé dans la saison 1, ça c'est un choix qui a été édicté par la chaîne pour conclure l'histoire. Ce n'était pas la volonté de David Lynch. Malheureusement, avec ce dénouement précipité, ben, ça assèche un peu la mythologie. Et puis beaucoup estiment que la saison 2 a perdu de sa profondeur. On va dire que si tu es tombé dedans dans la saison 1, tu restes pour la saison 2. Même si tu connais le meurtrier, ce n'est pas ça qui enlève le charme de la série. Mais malheureusement, les audiences s'effondrent quand même et les vrais fans, eux, restent. Et j'ai vu ça jusqu'au bout. Donc, on a eu deux saisons, 90-91. Dans la dernière scène de... Je vais quand même en parler parce que dans la toute dernière scène, ça, c'est plus méconnu même des fans parce que c'est très pointu. Dans la toute dernière scène de la saison 2 de Twin Peaks, l'agent Cooper, l'agent du FBI, on voit qu'il n'est plus tout à fait lui-même. Il se regarde dans le miroir et se frappe la tête dans le miroir et il prononce une dernière phrase qu'il prononce, c'est « Comment va Annie ?» Et ça s'arrête comme ça. Et à l'époque, il faut savoir qu'ils improvisaient beaucoup. Acteurs, David Lynch, enfin, tout le monde improvisait des choses. Et on ne sait pas, en fait, si ça faisait partie du script d'origine. Et le personnage... mais personne, en fait, ne sait voilà, si c'est une improvisation ou si c'est David Lynch qui avait écrit ça le jour même. Et cette question, on a la réponse. Et c'est là où c'est magique. Et c'est là tout le talent de Lynch, j'ai envie de dire. On a la réponse parce que dans le film qui est sorti un an plus tard, en 1992... Et qui raconte, alors là c'est très compliqué à comprendre parce que c'est tout ce qui se passe avant la série. Le film, c'est tout ce qui se passe jusqu'au premier jour du pilote. C'est un préquel. C'est un vrai préquel et ça s'arrête sur le meurtre de Laura Palmer et le film s'arrête. Ce qui serait extrêmement frustrant pour un film classique parce que tu sais rien de quoi comment, mais en fait toute la série explique après. Donc c'est un vrai préquel, mais tu ne peux pas savoir quand tu es fan de cette série le bonheur de retrouver déjà cet univers. Mais de voir les personnes qui sont décédées vivantes dans leur vie normale, c'est comme si on te faisait un cadeau de quelque chose qui n'avait jamais existé, que tu n'aurais jamais pu voir. Et ben, David Lynch a fait ça et je vais vraiment apprécier ça. Et la réponse de « Comment va Annie ?» En fait, la réponse, elle est dans une scène coupée du film parce qu'on voit cette fameuse Annie qui est en fait la petite amie de l'agent du FBI, de Dale Cooper, et on la voit dans une scène dans un hôpital. En fait, elle est sortie du monde noir, étrange et maléfique, et elle est à l'hôpital, alors que l'agent Cooper, à ce moment-là, lui, est rentré dans le monde noir et maléfique de David Lynch, qu'il avait créé pour la série. Et c'est pour ça qu'il dit « Comment va Annie ?» parce qu'elle est sortie du monde maléfique et elle est à l'hôpital. Et ça, c'est dans une scène coupée du DVD du film. C'est un truc complètement alambiqué. Mais tout s'explique En tout cas, beaucoup de choses, pas tout. Et je pense que c'est ça qui fait aussi le charme de cette série et de ce film. C'est que, comme un tableau, on pourrait avoir dans une exposition, on ne veut pas avoir l'explication. Chacun fait sa vision et sa lecture. Et ça, c'est très agréable. Et David Lynch laisse justement beaucoup de portes ouvertes pour son interprétation personnelle. Il n'explique pas tout et c'est volontaire. Ça perd des gens, peut-être comme toi, Laurent, mais ça émerveille d'autres et ça laisse part à une imagination. Pour moi, cette série reste un ovni. C'est un ovni, mais à plusieurs titres, parce qu'elle a créé des choses qui n'existaient pas à l'époque, un storytelling, une manière de faire, présenter une galerie de personnages hors normes. Tout est différent par rapport à ce qu'on faisait de l'époque. C'est ça qui a aussi révolutionné ce monde de la télévision. Alors, on a quand même eu de la chance, parce qu'après deux séries et un film, il y a eu une saison 3 en 2017. Et là encore, c'est du talent pur Lynch. Dans les deux premières saisons de Twin Peaks, on voit à un moment donné Laura Palmer qui est morte et qui est dans le monde noir, qui parle à l'agent Cooper. Et cette scène se passe 25 ans plus tard, à l'époque. Et 25 ans après, il fait la saison 3, où on retrouve cette scène et on retrouve les acteurs. Et il écrit effectivement la saison 3. Alors la saison 3, là, elle n'est pas regardable pour tout le monde. Elle est très... C'est pour les fans, les purs fans. Oui, oui, c'est regardable si on n'est pas fan, parce que c'est chevelu, c'est artistique, c'est perché, c'est tout ce que tu veux. Tu as des scènes longues, sans dialogue, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est très bizarre. Et quand tu es fan... J'allais dire, tu comprends, c'est ça le paradoxe, il n'y a rien à comprendre et c'est incompréhensible, mais tu comprends. Mais en fait, si tu as aimé l'ambiance des premières saisons du film... Et c'est du Lynch, tu ne discutes pas en fait ce qu'il fait. Moi, il y a certaines séries, je les revisite, je les connais par cœur, je n'attends plus rien. Si, il y a des scènes que j'attends parce que, voilà, pour que ça soit clair pour tout le monde, je parle de Dallas, j'ai vu le feuilleton 36 fois et il y a des événements que j'attends avec impatience, mais c'est surtout l'ambiance. Exactement. Donc je peux comprendre que du côté de Twin Peaks, en fait, la saison 3, même s'il y a des scènes où il n'y a pas de dialogue, mais on est dans l'ambiance, on est dans la bulle Twin Peaks. Oui, parce qu'il y a, par exemple, je vais donner juste cet exemple parce qu'il est encore une fois très chevelu, il y a David Bowie qui jouait dans la saison 2 de Twin Peaks, et là, il revient dans la saison 3, mais il était décédé, et il est sous forme de théière. Donc déjà là, si tu admets ça, t'admets beaucoup de choses. Voilà, le personnage de David Bowie revient en forme de tailleur dans la saison 3. Faut oser, c'est du Lynch, mais on n'aime pas, c'est pas grave, c'est le talent. Et pour conclure, parce que c'est comme j'ai un peu tardé sur cette rubrique, on est un peu en retard, 35 ans plus tard, effectivement, l'influence sur la télévision, comme je disais, est intacte. C'est vraiment quelque chose qui est inégalé aujourd'hui. Et cette saison 3, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment... très particulier parce qu'à la fin de chaque épisode de la saison 3, quand je l'ai visionné, il y avait un hommage à un acteur décédé. Et la plupart des acteurs sont décédés au moment de la sortie de la saison 3. Il y a eu 7 décès dans les peu de temps avant ou pendant la diffusion de la série. Et il n'y aura pas de suite là, c'est sûr, mais c'est quand même très nostalgique de voir la saison 3 parce qu'on voit hommage à Miguel Ferrer, hommage à un tel, hommage à un tel, qui sont tous décédés en fait peu de temps avant ou pendant le tournage ou après. Et c'est vraiment émouvant déjà qu'il ait pu le faire, cette saison 3, pour les fans. Et puis ça restera effectivement quelque chose de magique. Et je voulais terminer sur une anecdote parce que ça m'est arrivé cette semaine. J'ai retrouvé un ami que je n'avais pas vu depuis 30 ans. Et dans les 10 premières secondes où on se retrouve, on a bu un café ensemble, on se retrouve, la première chose qu'il me dit, « Ah oui, je me rappelle, t'étais fan de Twin Peaks, on avait regardé ça ensemble. » Et j'ai dit, « C'est amusant que tu parles de ça, j'en parle justement à la radio vendredi. » Il s'appelle Christophe et je le salue s'il nous écoute. Voilà, ça m'a fait bizarre parce que 30 ans après, quelqu'un que tu retrouves, avec qui t'as pas parlé, te parle de Twin Peaks. Et ça me fait d'autant plus plaisir d'en avoir parlé ce soir pour rappeler dans la mémoire à ceux qui ont bien aimé. Alors j'ai une... pensée affectueuse pour tous les fans de Twin Peaks. J'espère que vous avez apprécié cet instant. Et là maintenant, moi, je vais apprécier cet instant. Après 250 ans d'attente, Benoît m'a donné une chanson. Vous pouvez pas savoir le bonheur que c'est. Ça fait des plombes que... D'ailleurs, ma demande, j'ai enlevé la poussière. Et donc la demande a été validée. Alors là, il me promet du lourd, et quand il promet du lourd, c'est que c'est du lourd. Donc on retrouve. Et en plus, ça va te plaire. Kylie Minogue, Hot in December. Et Kylie, bah, ça fait des années qu'on la suit, et qu'on l'adore et qu'on la chérit. Elle aussi, elle était là aussi à l'époque de Twin Peaks. Et oui. Elle est toujours là maintenant. Voilà, ça n'a rien à voir, mais bon, quand même. Quand j'ai débuté la radio, il y a une de ses chansons, l'orchestrale, qui me servait de générique pour une émission qui s'appelait Star CD. Hein? Ça remonte à 1993. C'était pas hier. Enfin, c'est pas hier. Voici Kylie Minogue dans Destination Série avec... Hot in December. Il fait chaud en décembre. Avec Laurent et Benoît. Alors le 7 Actu, on le fait en flash. Et je vais arrêter d'écouter Multitube. Donc le 7 Actu, on va faire rapidement parce qu'il est déjà moins 10. Oui, donc TF1 des programmes Plus belle la vie. Effectivement. Comme l'année dernière. Je ne m'en rappelais plus d'ailleurs en lisant l'article. Oui, je le prends tous les ans. J'ai appris que l'année dernière, il l'avait fait aussi. Donc voilà, ça s'arrête vendredi prochain. Ça reprendra après les vacances. Un jour d'arrêt. Bon. Et ça s'arrête avec un cliffhanger. Un cliffhanger, oui. Bah voilà, donc bon, c'est pas dramatique en soi. Enfin, il n'y a pas de quoi se... Ah non, c'est pas dramatique. Au contraire, ça... Bon. Ça met en pause le feuilleton. Exactement. De toute façon, les audiences sont au rendez-vous. En plus, c'est un horaire pas forcément facile. Là, on va tous être à table, on va tous faire autre chose. Alors, on sera quitte de se jeter sur les replays et autres. Voilà, 15 jours de pause. On profite de la famille. Et Plus belle la vie revient en forme en janvier. La deuxième info de cette semaine, c'est La Belle et le Boulanger avec un chanteur dans une série. Alors, on l'attendait pas, lui, hein, mais... Alors, la bande-annonce, on aurait pu l'entendre, mais on l'entendra pas. Vous pouvez aller sur Internet et vous aurez la bande-annonce de La Belle et le Boulanger avec... avec Amir, Amir Haddad qui joue Benjamin, et il y a aussi Ludmilla von Claire qui joue Louise. La Belle et le Boulanger raconte l'histoire donc de Louise et Benjamin, deux êtres que tout oppose. Elle défile pour les plus grands couturiers, lui travaille dans une boulangerie familiale. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer, et pourtant, leurs chemins vont se croiser. Et où, à votre avis ? The boulangerie. Eh non ! Dans les toilettes ! Bah oui, c'est pas drôle. L'atelier à la boulangerie, à des toilettes. Bah non, non, mais dans un restaurant. Ils vont se retrouver dans, voilà. Voilà, il va certainement, lui va les manger, voilà, elle aussi, et puis ils vont se retrouver aux toilettes. Je savais pas que les toilettes c'était pas mixte. Généralement, les toilettes sont pas mixtes. Enfin bon, c'est peut-être hein, bon, bref. Ouais, ouf. Après, au niveau de l'histoire. Hein, 90 secondes. Oui, et après, voilà, ils vont avoir envie de se revoir. C'est la Belle et... Et c'est pas le clochard, la Belle et le Boulanger. Quand on est lancé la Belle, on a envie de dire la Belle et le clochard. Mais non, la Belle et le Boulanger. Alors par contre, ça tease, mais... J'ai pas vu de date. Moi non plus. Mais ça tease. Ça donne envie. Ça donne envie. Écoute, en espérant que l'audience sera au-dessus de celle du daron. Oh, avec Amir, il a plutôt une... Je pense, oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Puis ça peut le faire. Voilà, un peu original. Alors... Là, les comptes de France Télévisions sont dans le rouge, mais elle fait quand même une série internationale qui va débarquer prochainement. Oui, alors on est quand même tout auréolé du succès du film de l'année dernière. Là, c'était fantastique, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney, ce grand film dont on n'attendait pas un tel succès. Eh bien... Et ben, ça marche, oui. Et ben, alors, on pourrait me présenter la personne qui touche au bouton. Bah moi je... Hein ? Oui ? Bah moi j'entends plus rien, si. Ah, on t'entend. Bon d'accord. Bah moi j'entends, j'entends même mieux. Bah moi donc... j'entends plus, mais c'est pas grave. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est que depuis le début de l'émission, on a un retour de son dans les studios qui sont assez bizarroïdes. Et là, Jean-Luc, en 3 secondes, il nous a réglé le problème. En tout cas, le Comte de Monte Cristo, donc sur France 2, et ben ça va arriver pour les fêtes le 26 décembre. Mais attention, attention, si vous êtes malin et si vous avez France TV, tout le monde a France TV, vous pouvez les voir les 4 premiers épisodes. Ils sont déjà là. Ah ouais, sur la plateforme ? Sur la plateforme. Gratuitement ? Gratuitement. Alors, moi, on n'est pas obligé, comme TF1, de payer une blinde pour avoir. Eh non, non. France TV, vous avez déjà les 4 épisodes du Comte de Monte Cristo. Vous en avez la moitié, donc c'est déjà pas mal. Okay. Donc, on peut dire merci à Delphine. Et en plus, si vous êtes gentil, vous pouvez aussi regarder Belphégor, hein, qui ça a commencé, là, sur M6. Là, ça pique un peu. Sur Apple, on est sur HBO. Ouais. Sur HBO, là. Oui. Mais c'est un peu difficile, je l'ai regardé. Ouais. Bah, moi, j'ai. Sur l'échelle, Jean-Luc Reichmann, on est un peu en dessous quand même. Hein. Ah, franchement, c'est très difficile. C'est très plaisant. C'est une série B, téléfilm, mais de la France 3. Mais c'est HBO. Ouais, mais oui. Non. Je suis content que tu me dises ça parce que j'ai juste lancé. J'ai regardé 5 minutes. C'est pas regardable. Dire, et c'est vraiment très bizarre. Enfin, c'est pas que c'est pas regardable, mais c'est un mauvais téléfilm de la 3. Vous êtes en train de me dire que pour M6, on continue sur le même chemin, c'est-à-dire que ça marche pas, quoi. Non. Bah, c'est surtout, ça a été surcoté, survendu. J'ai préféré Arden. Non, mais c'est même pas une blague, j'ai préféré Arden. Bah, excusez-moi, je voulais pas lancer mais quand un débat. On se rappelle tes commentaires, Sylvain, parce qu'à l'antenne, c'était quand même du Corée. Je regarderai la suite d'Arden, mais pas Belphégor. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on parle peut-être du Comte de Monte Cristo, si on a le temps de jeter un œil d'ici la semaine prochaine. J'ai un peu peur parce que Par contre, excuse-moi, mais on est à 5 minutes. C'est vrai. Donc, c'est pas grave. On en reparlera vendredi prochain. On peut déborder de 2 minutes, on a eu 2 minutes en moins. D'accord. Donc, voilà. Donc, en tout cas, le Comte de Monte Cristo, vous pouvez le voir sur 26 décembre, mais je pense que, allez, on essaye de se regarder un peu le début pour la semaine prochaine. Je fais mes devoirs, bien sûr. Histoire d'où on en parlera. Du Comte de Monte Cristo. Okay. Allez, parce que j'ai peur aussi. À mon avis, peur aussi. Bah, France Télévisions. Oui, mais quand même. Ouais, mais c'est inégal en ce moment. Voilà. On peut pas trop. Allez, voilà. On peut pas trop miser là-dessus. De toute façon, rien ne vaudra. Je veux le Manon série quiz. Oui, allez, le Manon série quiz. Le Manon série quiz, oui. Dépêchons-nous. Parce qu'autrement, on va se faire taper sur les doigts. Aïe ! Destination série, le Manon série quiz. Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de la saison 3 du Manon série quiz. Je commence bien évidemment par rappeler les scores. Nous sommes à 11 pour Sylvain et 7 pour Benoît et Laurent qui sont toujours à ex aequo, enfin qui sont revenus à ex aequo. Cette semaine, c'est une édition spéciale Belgique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé en Belgique depuis l'année dernière, et j'ai demandé à mes amis belges, qui sont à peu près du même âge que vous, ce qu'ils regardaient à la télé pendant leur adolescence. Et donc, je vais essayer de vous le faire deviner aujourd'hui. On va commencer directement, c'est pas trop compliqué, après ça va se corser. C'est un classique, quelle est la série ? La petite Viennoise Prairie ! T'as dit tous les mots là, j'ai entendu même. La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Ah bah oui, bon, d'accord. C'est facile. Bon. C'est belge. C'est des questions belges. C'est des questions belges. C'était le même générique en Belgique. C'est mythique. C'est mythique. C'est tellement mythique que un M6. Un point pour Laurent. Ouais, c'est M6 a numérisé la série. C'est clair que c'est des gens de notre âge, effectivement. Est-ce que c'est un compliment ? Je sais pas. Bon, sais on va couper hein, parce pas, que ouais. Faut gagner du temps. Mais la petite maison à prairie, c'est mythique. C'est mythique. Attention, c'est pas parce que c'est une édition spéciale Belgique que c'est forcément des séries belges. Heureusement. Et oui, puisque ce n'était pas une série belge, cette première, c'est vous avez entendu le générique de La Maison dans la Prairie. Petite. Voilà, je n'en avais pas encore parlé. Voilà, c'est compliqué ce vendredi. Mais voilà. On va directement continuer avec notre petit jeu de d'habitude. Trois mots, une série. Et attention, ce n'est pas moi qui ai trouvé les mots. C'est du coup mes amis. Donc, si ce n'est pas les bons, eh ben, bon courage. Sachant que la série, je ne la connaissais pas avant qu'ils m'en parlent. Donc, j'espère que vous la trouvez. Le premier mot, c'est victoire. Le deuxième mot, c'est reptile. Le troisième mot, c'est envahisseur. Tu as dit un poil à voir, moi. Reptile, envahisseur. Ça vous fait penser à quoi? Je t'ai vu prononcer avant moi. Ah ouais? Non, mais c'est le son du micro qui a mis du temps à arriver. Non, parce que je. Je t'ai vu bouger les lèvres avant moi. Alors, ce qui est fou, tu rencontres ton ami 30 ans après, oui. Vous parlez de Twin Peaks. Oui. Et là, nous, avant l'émission, on a parlé de V. Oui. C'est dingue. Bon, je l'avais aussi, mais trop tard. Il a créé les mots avec moi. S'il ne trouve pas avec ça, ça craint. Donc, j'espère que vous avez trouvé, parce que sinon, vous allez en fâcher. C'était de la série V qu'on parlait. Ouais, voilà. Et pourquoi victoire ? Parce que V signifie victoire. En fait. Deux points pour Laurent sur le fil. Dans le nom de la série. Voilà, série que je ne connaissais pas du tout, un peu spéciale, ouais, avec des reptiles. J'ai pas tout compris, hein, mais ça donne un peu envie. C'est culte. Si il y a eu même une autre version. Mal vieilli depuis. Voilà. J'ai bien aimé. On va finir par une critique, pour une comme d'habitude, d'une série que j'avoue que je ne connais pas plus, mais qui faisait partie de l'adolescence. Voilà. Donc, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. À part la nostalgie que ça m'inspire, c'est un concept assez nouveau pour l'époque. Bien copié ensuite par contre. Preuve de sa qualité, on ne sait pas. Une peluche genre Muppet Show, qui n'est pas radieux, mais géniale niveau ressort comique. Et des acteurs autour, plus que des faire-valoir. N'est-ce pas Willy ? Voilà la critique. D'après ça, Benoît l'avait. J'avais les trois, mais là, cette fois-ci, j'ai pas été rapide. Et Alf, encore maintenant, tu regardes ça, ça marche. On va entendre la réponse quand même. On va entendre la réponse. Pour être sûr, parce que des fois, ce soir. Oui. Une série du coup avec une petite peluche. Est-ce que ça vous parle plus ? On parlait de la série Alf. Ouais. Imbattable. Voilà. Imbattable sur les. Pas du tout, mais voilà. Qui a l'air d'avoir pas mal vieilli aussi, mais. Pourquoi pas ? Je ne demande qu'à voir. Voilà, je ne sais pas honnêtement si vous avez trouvé. À mon avis, pas d'autres. Muppet, Fraggle Rock. À part les Muppet, Fraggle Rock. Je ne sais pas. J'espère que vous avez passé une bonne fin de vendredi avec moi. Oui. Je vous souhaite bon courage pour l'Académie Fadjet. Et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous Manon. Bisous Manon, merci. Week-end à tous. Et je l'ai déjà dit dans Destination Série, mais le scandale avec le sitcom Alf. C'est que, alors, une peluche, pas vraiment, c'était une marionnette animatronique, la plupart du temps, mais c'était mécanique, et des fois, il y avait un marionnettiste, je suis d'accord. Mais il y avait certaines scènes où tu avais un nain qui était dans le costume. C'était pas un enfant. Ah ouais. C'était un acteur, c'était un nain qui était dans une combinaison et qui faisait les scènes où tu vois Alf qui évolue en marchant. Et le scandale, c'est que pendant 4-5 ans qu'a duré le sitcom, son nom n'a jamais été inscrit au générique. On sait qui c'est quand même. il partait pas chez lui avec la pluche. La notoriété de la série, alors hélas, il est décédé, mais la notoriété de la série et l'aura qui reste, alors peut-être pas aussi forte que du côté de Twin Peaks, mais la notoriété de la série fait que maintenant, sur Internet, son nom, sa photo est présente. Mais c'est la postérité qui lui donne ses lettres de noblesse. À l'époque, personne n'a jugé bon de mettre son nom au générique. Et c'est un des scandales de la télévision américaine. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se retrouve la semaine prochaine le dernier numéro version 2025. Oui. Mais pour le moment, je laisse l'antenne à Benoît et à Sue-Hélène. Enfin, la régie à Sue-Hélène et l'antenne à Benoît. Alors, est-ce que je mets la compagnie créole histoire de... transition. Si tu veux. Allez, une petite compagnie créole pour finir. Une petite compagnie créole histoire de rester dans la période de Noël. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne émission. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. À vous.